Mozart est né à Salzbourg en 1756 et mort 35 ans plus tard, seul, malade, dans la misère, criblé de dettes, à Vienne, le 5 décembre 1791. Concertos, symphonies, sonates et opéras, plus de 600 œuvres de Mozart sont étudiées, jouées et chantées à travers le monde aujourd'hui. Alors, talent, travail, exception ou prodige, la musique de Mozart dépasse la partition. Elle ne nous dit rien, mais elle révèle quelque chose, nous dévoile une partie de l'existence qui tient peut-être du divin, sans doute du génie, et qui aide à nous réconcilier avec notre douloureuse finitude. Alors certes, la beauté n'empêche pas de mourir, et Mozart en est la preuve, mais seule la musique nous permet de mesurer l'intensité de l'existence des êtres mortels que nous sommes. C'est un philosophe, un penseur, qui veut livrer par la musique les choses essentielles de l'existence. Non seulement ce que nous vivons, mais ce que nous désirons. Ce que j'admire dans ce texte, c'est la simplicité de moyens. Et c'est sublime, etc. Oui. Je crois que quand on fait compliqué, on atteint moins les choses essentielles. Et alors, quand on voit les manuscrits de Mozart, c'est merveilleux parce qu'on voit évidemment les croches, les noires, les blanches, et comme d'abord écrites comme des têtes d'épingle, et on a le sentiment, quand on voit ça, que ça vole sur les portées. Vous savez, que toutes les notes volent. Tout d'un coup, j'ai eu ce choc, c'est-à-dire tout d'un coup, l'idée que quelque chose sortait du silence qui était exactement ce qui devait sortir du silence et ce qui, en quelque sorte, peut dire contenait comme la puissance du silence. Il y a la joie, l'élan de la jeunesse. Et c'est un type de musique qui, finalement, brouille complètement la distinction entre ce qu'on appelle musique savante et musique populaire. À la fois qui nous émeut, qui nous emplit d'admiration, et puis qui nous fait penser, oui, c'est ça. Oui, c'est ça la grande voix que je veux faire. C'est cette grande voix que Mozart est en train de mettre en place, de nous communiquer, d'éprouver et de mettre en forme. Et en même temps, c'est un plaisir de l'esprit absolument extraordinaire. Je suis prêt à affirmer que tout se passe comme si il y avait un grand philosophe qui est Spinoza, qu'il y avait un grand musicien qui est Mozart, et qu'à part ça, il n'y a rien. Bonjour Vincent Delecroix. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. On vient d'entendre Robert Misrahi, Blandine Criegel, Michel Serres, Jacques Rancière, quatre invités pour qui la vie sans Mozart n'aurait aucun sens. C'était à l'occasion des émissions qu'on propose le vendredi Profession Philosophe. On propose aux invités de choisir une musique qui leur tient particulièrement à cœur. Ces quatre-là, mais aussi d'autres, ont choisi Mozart. Y a-t-il un lien particulier entre les philosophes et Mozart ? Ben, apparemment, oui. Enfin, on trouve. Et aujourd'hui, on parlera de Kierkegaard. Certains philosophes, oui. Ça me paraît un peu excessif de penser que Mozart serait la chair à philosophe spécifique. Il y a beaucoup, pas simplement. Enfin, en extension, il y a beaucoup de philosophes qui ont réfléchi sur beaucoup d'autres. Ouais. Je parle même pas de Nietzsche et de Wagner. Mais bon, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a chez Mozart quelque chose qui doit arrêter la réflexion philosophique ou qui la nourrit, en tout cas. Ça, c'est et sûr. Vous arrivez à définir ce que c'est? Bah, moi, je suis Kierkegaardien, donc c'est plus facile pour moi, parce que Kierkegaard a consacré un texte magnifique dont on va parler, qui même, d'une certaine manière, ouvre toute l'œuvre de Kierkegaard, toute la pensée de Kierkegaard, donc c'est plus facile pour moi de penser. Oui, mais vous, Vincent Delecroix, vous êtes grand mélomane, vous connaissez très bien la musique. Quelle place tient Mozart dans votre cœur? Une place variable. Voilà. Si c'est, je sais pas si on parle de goût ou si on parle d'intensité, comme vous le disiez absolument remarquablement tout à l'heure, d'intensité de l'existence, mais c'est une place variable. C'est-à-dire qu'il y a des fois, c'est la grâce absolue, c'est tous les clichés qui tournent autour de Mozart. Et par moments, je dois avouer que le petit crin-crin ou la petite ritournelle, pardon, hein, je sens que je vais me faire agonir d'un jour, mais la petite ritournelle mozartienne, au bout d'un moment, me sape un peu le moral. Mais voilà, c'est des choses. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est encore une fois un moteur philosophique extraordinaire. Et on pas simplement forcément de la musique décorative, quoi. On n'attend pas forcément de la musique qu'elle nous rende joyeux, de toute façon. Ah non, ça c'est clair, ça saurait si c'était le cas. Alors quel est le lien, cette fois-ci, entre Kierkegaard et Mozart, puisqu'il en parle dès le début d'un livre qui s'appelle « Ou bien, ou bien ». Le lien, je pense que ça tient, en tout cas, on peut l'approcher par l'ambivalence du terme esthétique chez Kierkegaard. Parce que Kierkegaard est celui qui fait pivoter cette notion-là et qui l'utilise d'une manière novatrice, absolument, puisqu'il en fait un stade d'existence. Alors que jusque-là, et on est en plein développement de l'esthétique, jusque-là, c'est une discipline, c'est une science. C'est la science du goût, c'est la science, voire la science des beaux-arts. Et dans ce cas-là, il y a quelque chose qui pivote, et il y a quelque chose qui pivote dans l'appréciation de la musique. Et ça, c'est essentiel. Alors, Mozart est convoqué, vraiment en ouverture, c'est le cas de le dire, parce qu'il y a une longue interprétation de l'ouverture par Kierkegaard, de l'ouverture de Don Giovanni, mais en ouverture de ou bien, ou de l'alternative, comme ouverture du stade esthétique. Bon, on y reviendra, Don Giovanni, c'est la figure première, primitive, même infrarationnelle du... Oui, parce que plus que Mozart, c'est Don Giovanni qui intéresse Kierkegaard. C'est Don Giovanni. Kierkegaard parle de Mozart, d'autres opéras de Mozart, mais il en parle toujours en rapport... C'est Don Giovanni qui polarise tout son discours, non seulement autour de Mozart, mais autour de la musique. Et ça, c'est très très important, parce que s'il choisit Mozart, c'est parce que Mozart sait la musique. C'est-à-dire, il connaît d'autres... C'est un amateur, c'est pas un grand connaisseur de musique, c'est même pas un dilettante au sens classique du terme, c'est-à-dire un amateur d'opéra. Il aime Don Juan, c'est la folie, c'est vraiment une obsession. Il passe son temps, alors il raconte dans de multiples œuvres et dans son journal, il raconte qu'au début, il est là, il assiste au spectacle, et puis après, non, il veut jouir entièrement de la musique, donc il reste dans les couloirs, il ne veut surtout pas voir... Bref, il y a un rapport complètement obsessionnel à cet opéra, et à partir de là se déploie une réflexion sur la musique. Mais c'est vraiment à partir de Mozart, c'est vraiment à partir d'une œuvre, et ça c'est spectaculaire, parce que il réussit à faire quelque chose que autour de lui, c'est-à-dire dans le domaine germanique, on n'arrive pas à faire. C'est-à-dire que c'est la même époque, un petit peu après, justement, des développements des grandes esthétiques, dont celle de Hegel. Et Kierkegaard, il est entre Hegel et Schopenhauer du point de vue de l'appréciation de la musique. Ces grands philosophes, Schopenhauer est mille fois plus, j'allais dire, érudit et plus profond quand il s'agit de penser la musique, mais ces grands philosophes pensent ce que c'est que la musique en général, insère ce bel art dans le système des beaux-arts, dans une compréhension spéculative, géniale, hein, chez Schopenhauer, la musique c'est le à la pointe des beaux-arts, parce que il ne représente rien, c'est un médium qui est la pure volonté, ou la temporalité. Chez Hegel, c'est l'expression de la subjectivité intérieure, abstraite, donc il y a une pensée très lourde, très spéculative autour de la nature de la musique. Kierkegaard fait exactement l'inverse. C'est-à-dire que il convoque effectivement une réflexion sur la musique, mais à partir d'autre chose. C'est-à-dire d'abord à partir d'une œuvre, à partir d'un compositeur, Mozart, à partir d'une œuvre chez ce compositeur. Et cette œuvre, certes, lui permet d'entreprendre, de répondre à des questions classiques de l'esthétique. Qu'est-ce que c'est que la musique? Qu'est-ce que c'est qu'écrire un opéra? Pourquoi le chant? Pourquoi la mélodie, etc. Mais ces questions-là sont toutes tributaires, toutes subordonnées à une perspective qu'il faut bien dire existentielle, qui investit complètement la musique à partir d'une réflexion qui est vraiment autonome. Et ça, c'est génial. Vous voulez une coupe de champagne? Ah, bah, volontiers, oui. Finché la vino, calda la testa, una gran festa fa preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, e con quella cerca menar, e con quella cerca menar, cerca menar, cerca menar. Senza l'ordine, la danza sia, il minuetto, la follia, la demanda, fare valar. Il minuetto, fare valar, la follia, fare valar, la demanda, fare valar. E mio frattanto, dall'altro canto, questa è quella, vuoi amoreggiar, all'immunista, domani mattina, una decina deve imitar. All'immunista, una decina deve imitar. Se tu ragazza, qualche ragazza, e con quella cerca menar. All'immunista, domani mattina, una decina deve imitar. Senza che l'ordine la sia, il minuetto, la follia, la rimanda, fare guardar. Una decina deve aumentar, deve aumentar, deve aumentar, deve aumentar. Sur France Culture, le chemin de la philosophie, l'ère du champagne, c'est ainsi qu'on appelle ce chant que vous venez d'entendre entre Don Giovanni et Zerline, hein, dans le livret à l'acte 1, scène 9. Eh bien, Don Juan a demandé à Zerlina de l'épouser. Celle-ci hésite, elle dit « j'ai envie, j'ai pas envie, le cœur me tremble un peu, heureuse c'est vrai, je le serai, mais il peut me tromper encore ». En fait, cette scène, Vincent Delecroix, est emblématique de l'intérêt que Kierkegaard porte à Mozart et en particulier à Don Giovanni, parce que c'est pas vraiment une scène de séduction, c'est une scène d'expression d'un désir qui, nous dit Kierkegaard, ne s'exprime jamais vraiment que dans la musique et dans la musique de Mozart. Alors il y a deux choses. Il y a le volei, non volei, et le rapport, j'allais dire, oscillatoire, dynamique, sublime du dialogue avec Zerline. Je voudrais, je ne voudrais pas, et Don Juan qui tourne autour, et qui la circonvient, et qui finit par la circonvenir, hein, parce qu'à la fin, elle dit oui. Et là, cet air-ci, qui est l'air du champagne, où on prépare la noce, où on jouit de la pure musique. Et si Kierkegaard s'intéresse à ce passage-là, il en commente d'autres. Hein. Il commente notamment l'ouverture, l'air du catalogue, sur lequel on reviendra peut-être, qui est essentiel pour Kierkegaard. Mais s'il s'intéresse à l'air du champagne, c'est parce que, effectivement, comme vous le dites, on a l'impression, enfin, Kierkegaard a l'impression que Mozart atteint là, par Don Giovanni, l'essence pure de la musique, c'est-à-dire ce qu'il appelle l'enivrement du soi. C'est pas un hymne la beauté de la vie, les petits plaisirs. Bon, oui, c'est un hymne au goût, ça c'est sûr. Mais c'est surtout ce qui frappe Kierkegaard, c'est la jouissance de soi-même, la jouissance débordante. C'est-à-dire que le champagne est un prétexte. Le champagne, c'est la vie elle-même, et ça n'a rien de si léger parce que c'est toujours la même chose, hein, chez Mozart. C'est-à-dire que la légèreté cache des abîmes. On a l'impression que le superficiel est toujours une espèce de, est toujours, enfin, voilà, pas plombé, mais en tout cas innervé par des forces puissantes. Vital, c'est ça que repère Kierkegaard dans Don Giovanni, puisque c'est ça l'élément musical, en fait. Et ce dont Don Juan jouit dans l'ère du champagne, c'est de lui-même, en réalité. Et c'est la vie pure qui s'exprime. Ce qui retient Kierkegaard dans cet opéra, c'est la figure de Don Giovanni. C'est la figure de Don Giovanni en tant qu'elle incarne, je reviendrai sur ce terme, en tant qu'elle incarne au sens littéral du terme, le stade esthétique, c'est-à-dire c'est de la chair, c'est vraiment le corps. Il faut le dire tout de suite pour vous comprendre, Vincent Delecroix, que vous parlez de stade esthétique. Oui. Chez Kierkegaard, il y a trois étapes qu'on peut appeler trois stades, qui sont en fait des métamorphoses de soi. Le stade esthétique, le stade éthique et le stade religieux. Le stade esthétique est le premier. Esthétique, ça ne veut pas dire beau. C'est, vous l'avez dit, un nouveau sens de l'esthétique et une manière de jouir de ce qu'il y a de manière absolument immédiate. Alors disons que c'est celui, en tout cas dans Don Giovanni, parce que ce stade esthétique est assez long, il est complexe, alors même que c'est celui de l'immédiateté sensuelle. C'est le stade de la, en tout cas chez Don Giovanni, de la pure sensualité. C'est l'esprit de la chair, si je puis dire, en utilisant un oxymore qu'utilise aussi Kierkegaard, qui vient du christianisme en fait. C'est l'esprit de la chair, c'est-à-dire la chair, le charnel, la sensualité, le désir avant tout, a une voix et n'a qu'une voix en réalité. C'est-à-dire que c'est ça qui permet à Kierkegaard de parler de Don Giovanni, c'est que l'élément musical, c'est la nature même pour Kierkegaard du désir. Et le désir n'est que musical. C'est pour ça que l'opéra de Mozart est génial pour Kierkegaard. C'est-à-dire, c'est l'opéra des opéras, comme on dit, c'est-à-dire la musique dont l'objet est la musique. Parce que c'est la musique dont l'objet est le désir, et le désir, c'est la musique. La musique. Plus que Don Giovanni alors? C'est la musique plus que Don Giovanni qui exprime bien sûr. Et Don Giovanni, c'est un personnage qui n'existe pas au sens propre du terme pour Kierkegaard. C'est une figure, c'est-à-dire quelque chose de quasiment informe, parce que c'est la force brute du désir. Parce que c'est le désir immédiat qui consomme tout, qui détruit tout, qui se répète indéfiniment, d'où l'ère du catalogue, qui recommence. L'ère du catalogue, c'est quand Don Giovanni énumère c'est la liste des conquêtes. Leporello, devant Elvire effarée, énumère la liste de ses conquêtes, et ça se termine par 1003, et il y en a 1003 en Espagne. Cette puissance du désir est à la fois totalement dévorante, elle est infrarationnelle et elle est infrasubjective. Elle est en dessous du sujet lui-même. C'est pour ça que Don Giovanni est plus une force qu'un sujet, qu'un personnage en réalité. C'est pour ça aussi que la structure même de l'opéra, selon Kierkegaard, n'est pas une structure, n'est pas un récit, n'est pas une histoire, n'est pas un drame. Plutôt, et qui regarde très attentif, en bon romantique, j'allais dire, très attentif aux gens, est-ce que c'est de l'épique, est-ce que c'est du drame, est-ce que c'est de la tragédie, etc. Mais c'est pas un drame, c'est même pas, parce que c'est tellement brut, tellement, et on l'entend là, avec l'air du champagne, c'est tellement rapide, c'est tellement fluctuant, labile, que ça peut pas s'insérer dans une structure narrative complète. En fait, c'est une fausse histoire, l'histoire de Don Giovanni. On a l'impression qu'il y a un début et qu'il y a une fin. Et le début, peut-être qu'on en parlera, parce que c'est quelque chose de génial, parce qu'on sent Don Giovanni approcher. D'abord, dans l'ouverture, on sent, c'est ce que dit Mozart, c'est-à-dire que le personnage n'est pas là, mais on sent la force qui le guide. C'est-à-dire que l'ouverture, qui par définition sans parole, c'est en fait la musique qui parle elle-même, avant même que Don Giovanni apparaisse et qu'il se mette à parler. Donc il y a cette ouverture, il y a le grondement des forces, et ce grondement est extrêmement varié, hein, et ça plairait à Deleuze, c'est-à-dire c'est pas une force unique, c'est un différentiel de force en permanence, c'est ça la vie. Hein. C'est une variété, une multiplicité irrécupérable, et c'est ça qui est absolument génial dans l'ouverture. Et puis, il y a un premier temps où on parle de Don Giovanni. On ne le voit pas. Il n'est pas encore là. C'est Leporello. C'est son valet. C'est Elvire, son ancienne maîtresse. Et puis, enfin, Don Giovanni va apparaître. Mais toute cette préparation montre à quel point, en fait, c'est pas que ça fait durer le suspense, mais ça montre à quel point, pour Kierkegaard, ce personnage-là est en réalité à peine un personnage, à peine une figure stable. On l'entend dans l'air du champagne, en fait. C'est une espèce de cavalcade permanente et une espèce de flux temporel. Et ça, c'est très, très important aussi pour Kierkegaard dans la description du stade esthétique. C'est un flux temporel sans aucune consistance. Et c'est pour ça que c'est de la musique. La musique, c'est du temps. Ça n'est que du temps. C'est du désir et du temps. Le désir, c'est de la temporalité. En l'occurrence, cette temporalité du désir dans Don Giovanni, c'est une temporalité qui s'annule elle-même. C'est l'instant, puis l'instant, puis l'instant, comme une femme après une femme après une femme après une femme. Il n'y en a jamais assez. Le temps est indéfini. Les femmes sont, Dieu merci, enfin, on voudrait le souhaiter, indéfinies. Mais on les consomme. Je veux dire les instants aussi. Hein, voilà. L'idée la plus abstraite qu'on puisse imaginer est la génialité sensuelle. Par quel médium se peut-elle exprimer ? Uniquement par la musique. Il est impossible de l'exprimer par la sculpture, car elle est en elle-même une sorte d'expression de l'intériorité. On ne peut pas la peindre, car il est impossible de la fixer en des contours déterminés. Dans tout son lyrisme, elle est une force, une ambiance, une impatience, une passion. De plus, elle n'existe pas dans un moment unique, mais dans une succession de moments. Le seul médium qui puisse la dépeindre est la musique. Car la musique possède par essence un élément de durée, quoiqu'elle ne s'écoule pas dans le temps, sauf en un sens figuré. Elle ne peut pas exprimer ce qui est historique dans le temps. Eh bien, nous trouvons la parfaite unité de cette idée et sa forme pertinente dans le Don Juan de Mozart. Justement, parce que l'idée est aussi prodigieusement abstraite et le médium abstrait lui aussi, il n'y a aucune probabilité pour que se présente jamais un concurrent de Mozart. Le bonheur de Mozart est d'avoir reçu une matière en elle-même absolument musicale. Et si un autre concurrent quelconque devait rivaliser avec lui, il n'aurait rien d'autre à faire qu'à composer à nouveau le Don Juan. On peut naturellement imaginer grand nombre d'autres œuvres musicales classiques. Cependant, une seule parmi elles aura une idée si absolument musicale que la musique y intervient non pour accompagner, mais pour révéler l'idée elle-même, révéler son essence propre la plus intime. Voilà pourquoi, parmi les immortels, Mozart occupe, grâce à son Don Juan, la place la plus haute. Si Mozart occupe la place la plus haute avec son Don Juan, c'est parce que, nous dit Kierkegaard dans ce texte, lu par Chemsoda, le désir est en lui-même musical, plus que le personnage de Don Juan, de Don Giovanni, disiez-vous Vincent Delecroix. Mais dans ce cas, la question qui se pose, c'est alors pourquoi un opéra? Pourquoi pas simplement la musique? Parce qu'il faut quelque chose comme l'expression de la voix humaine. Et ça, là, Kierkegaard est pris un peu dans l'esthétique hegelienne. Ce qu'on a entendu là est très pris, en fait, dans l'esthétique hegelienne. C'est-à-dire l'idée que, ce que je vous disais tout à l'heure, que l'élément essentiel de cet art, c'est le temps. Mmh. Et qu'avec le temps, on atteint quelque chose qu'aucun autre art ne peut, ou plus précisément, on rompt avec quelque chose. C'est la représentation. La représentation plastique, la représentation physique. On rompt, donc on avance dans ce qu'on pourrait appeler, ou ce que Hegel appellerait, l'élément spirituel. C'est-à-dire que, par rapport au sensible représenté, on avance dans quelque chose qui est... C'est pour ça que Kierkegaard utilise le terme abstrait. C'est une idée abstraite parce que c'est quelque chose qui devient irreprésentable. L'idée la plus abstraite qu'on puisse imaginer est la génialité sensuelle. C'est vrai on arrive dans quelque chose que la sensualité est abstraite est étrange. Ouais, exactement. L'abstraction ici, c'est l'absence de représentation possible. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que Don Giovanni est à peine un sujet. Il est à peine un personnage. Il est la musique en réalité. Mais cette musique, pour parvenir à sa quintessence, il faut qu'elle inclue la voix humaine. Il faut qu'elle puisse témoigner de ce que cette génialité sensuelle, qu'elle incarne, qu'elle mène, cette génialité sensuelle, c'est l'intériorité. Et c'est la raison pour laquelle Don Giovanni est placé au début de l'œuvre de Kierkegaard, au début du stade esthétique. Puisque ce que va explorer de manière extrêmement divers la philosophie kierkegaardienne, c'est la manière dont un sujet se constitue, dont nous devenons un sujet, ou dont nous devenons ce que nous sommes. Autrement dit, cette figure de Don Juan est un peu l'équivalent de la certitude sensible dans la phénoménologie de l'esprit de Hegel, c'est-à-dire, d'une certaine manière, le point zéro de la subjectivité. C'est le pur désir. C'est le pur désir avant... non seulement infrarationnel, mais infrasubjectif, avant même qu'il y ait du sujet qui commence à devenir consistant. Mais il y a de la voix. Et pour Kierkegaard, l'essentiel, il y a un aphorisme dans les premières lignes de son journal, tout dans sa jeunesse, qui dit « tout aboutit à l'oreille ». C'est une obsession chez Kierkegaard, c'est de rompre avec, j'allais dire, l'aspect théorique, au sens littéral du terme, la vision de la philosophie, et de parvenir à une surévaluation de l'audition, de la voix. Pour lui, c'est là qu'est la vie, c'est là qu'est l'existence. Donc ce qui se donne à entendre est toujours plus profond que ce qui se donne à voir. Quel dommage qu'il n'ait pas pu faire de la radio. mais vous ne croyez pas si bien dire, hein. C'est vraiment... C'était un prêcheur, il n'a jamais prêché en chair dans le temple, mais il écrivait ses discours pour être entendu, pas pour être lu. Parce qu'il a failli être pasteur. Il a failli être pasteur, il parlait son écriture avant de l'écrire. C'est-à-dire qu'il se promenait et il roulait les phrases dans sa tête et... toute une partie de son œuvre autonome, les discours édifiants, ont été écrits pour être entendus. C'est ce qu'il dit explicitement. Donc c'est de la parole vivante. Et la voix est un élément, vraiment au sens de médium, est un élément essentiel pour lui. Essentiel. Et en tout cas, c'est un élément essentiel de ce stade-là, qui est le stade de la chair et de l'intériorité. Alors c'est très étonnant, parce que c'est l'intériorité, pas du tout refermée sur elle-même, mais explosive. Complètement, j'allais dire, étendu dans l'espace et dans mais le temps. Mais alors, ça veut dire qu'au départ, puisqu'il y a une forme de progression dans le fait de devenir soi, si l'on suit Kierkegaard dans cet ouvrage, hein, ou bien, appelé aussi l'alternative, au départ, nous sommes d'abord des êtres désirants. Nous sommes tous des Don Juan. Ouais. Et celui qui chemine vers lui-même est celui qui va dépasser ce stade érotique. Ou plus précisément, il y a ça en nous. De toute manière. Voilà, on y renonce peut-être jamais vraiment. Non. Mais c'est comment est-ce qu'on compose avec? Il faut comprendre que l'écriture de Kierkegaard est très très liée évidemment à sa croyance religieuse et à son christianisme. Don Juan n'aurait pu, dit-il, exister en dehors du christianisme. Alors c'est paradoxal parce que c'est le grand imprécateur, enfin pas chez Mozart, hein, mais c'est le grand contempteur de la religion et du christianisme. C'est une espèce de... Mais c'est pas Méphistophélès, justement, c'est pas Faust. Mais c'est un personnage qui ne peut exister que dans le christianisme. Pourquoi ? Parce que le christianisme, pour Kierkegaard, est le premier... Et l'élément dans lequel on pense la chair pure, la chair. La chair éloignée du salut, la chair éloignée de la pure spiritualité, mais la chair qui a un esprit en elle-même. Don Juan, c'est le personnage de la chair. Et nous incarnons ça, ou nous sommes incarnés. C'est-à-dire l'idée que c'est que, quand bien même nous parvenons à ce que nous devons être, puisque l'existence est une tâche, par... Quand bien même nous devenons un véritable sujet, il y a ça en nous, il y a du Don Juan, c'est incontestable. Et c'est, on ne lui dit pas au revoir une fois pour toutes, comme chacun le sait d'ailleurs, la chair continue à palpiter. Ce qui est très important pour Kierkegaard, c'est qu'à aucun moment il faudra nier ce désir. À aucun moment il faudra considérer, j'allais dire, Don Juan comme l'erreur de jeunesse ou comme une espèce, oui, de jeunesse ou d'innocence. Il y a de l'innocence, mais il y a de l'innocence brutale chez Don Giovanni, mais c'est pas une innocence perdue. Elle est là. Et pourtant, contre toute attente, Kierkegaard refuse de définir Don Giovanni comme un séducteur. Et c'est la grande différence, peut-être entre lui-même et Don Giovanni, puisque Kierkegaard est aussi l'auteur d'un journal du séducteur, mais surtout entre Mozart et Molière. Molière qui écrit Don Juan, Mozart qui donc compose Don Giovanni. Voici d'abord un extrait du Molière et ensuite un extrait du Don Giovanni. Je t'apprends, internos, que tu vois en Don Juan mon maître, le plus grand scélérat que la terre ait jamais porté. Un enragé, un chien, un diable, un turc, un hérétique, qui ne croit ni ciel, ni saint, ni dieu, ni loup-garou, qui passe cette vie en véritable bête brute. Un pourceau d'Épicure, un vrai sardanapale qui ferme l'oreille à toutes les remontrances chrétiennes qu'on lui peut faire et traite de billevesée tout ce que nous croyons. Madamina, il catalogo è questo delle belle che amo il padron mio. Un catalogo gli è che ho fatto io. Osservate, leggete con me. Osservate, leggete con me. In Italia 640, in Lavagna 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, son già 1003, 1003. Ma fra queste contadine, cameriere cittadine, ma contesse e baronesse, marchesone, principesse, e bandone d'ogni grado, d'ogni corpo, d'ogni età, d'ogni corpo, d'ogni età. In Italia 640, in Lavagna 231, in Francia, in Turchia, 91, mamma, in Spagna. Le principe de l'amour sensuel, immédiat, spontané, est qu'il peut tout confondre. La féminité tout à fait abstraite est pour lui essentielle. Comme exemple de ce que je veux dire, j'examinerai de plus près le secondaire du valet, la liste des femmes séduites. Mozart ne s'est pas occupé de la diversité, ce sont de grands groupes qu'il fait passer devant nous. Cela s'explique suffisamment par la nature même du médium, la musique, qui est trop abstraite pour exprimer les différences. Ici, ce que nous entendons, ce n'est pas Don Juan en tant qu'individu particulier, et pas davantage ses propos, mais c'est la voix de la sensualité qui perce à travers les désirs de la féminité. Sa vie est la somme de moments distincts qui n'ont aucune relation entre eux. La vie de Don Juan, comme le moment est une addition de moments. Le second air du valet, Vincent Delecroix, c'est celui que nous sommes en train d'écouter. Alors dites-nous, pourquoi est-ce que ce que Kierkegaard dit de Don Juan, de Don Giovanni, qu'il existe en tant que moment, la sensualité qui perce à travers les désirs de la féminité. Pourquoi est-ce que c'est pas un séducteur? C'est quand même la définition du séducteur. Alors il y a d'abord quelque chose sur lequel il faut s'arrêter. Dans l'ère du catalogue, on a l'impression que c'est le contraire de ce que dit Kierkegaard, c'est-à-dire qu'au contraire, ce que fait Leporello, le valet, c'est détailler la multiplicité, j'allais dire très très concrète, parce qu'il détaille pas simplement le nombre de conquêtes en Espagne, en Italie, en France, etc., mais il détaille aussi les goûts de Don Juan. Donc, il aime la petite grosse, il aime la pauvre, il aime la comtesse et la baronesse, il aime, etc., etc. Donc, on a des catégories, contrairement à ce que dit Kierkegaard, qui sont de plus en plus singulières. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'effectivement, et c'est là que Kierkegaard a raison, cette comptabilité, très grotesque, aboutit en fait à l'affirmation selon laquelle Don Juan aime tout. Il aime tout de la femme. Il aime toutes les femmes, donc il aime tout de la femme. Parce qu'il aime l'idée de la femme. Parce qu'il aime l'idée de la femme. Et c'est parce que ce désir est un désir qui est abstrait, comme le dit Kierkegaard. C'est-à-dire, il ne voit en réalité aucune singularité. Donc c'est pas le corps des femmes qu'il désire. Il désire le corps, il désire tout de la femme, mais il cherche dans toutes les femmes la femme. C'est-à-dire qu'en réalité, il est guidé, c'est ça le paradoxe de cette sensualité, il est guidé par une idée. Donc il ne pourra jamais être satisfait. Ah mais non, alors là, pour le coup, c'est Molière qui le dit aussi bien que Mozart, enfin Da Ponte, c'est je voudrais qu'il y ait plus de monde, que je puisse étendre mes conquêtes. C'est indéfini, parce qu'il y a une espèce de sommation approximative de toutes les femmes réelles qui n'arriveront jamais à l'idée de la femme. Mais en même temps, si je puis dire, il consomme toutes les femmes à travers l'idée de la féminité en général. Le désir est abstrait, il est brut, il n'a finalement aucun égard, dans tous les sens du terme, parce que Don Juan est une brute, il n'a aucun égard pour le singulier, pour la singularité. C'est très étonnant parce que c'est en même temps une existence temporellement totalement fragmentée, autant de moments, autant de femmes. Mais comme je disais tout à l'heure, les instants s'effacent les uns les autres, les femmes, une femme en chasse une autre. Et rien ne dure, aucune conquête ne dure. Bon. Ça, c'est le début. À la fin, le séducteur, le personnage du séducteur, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire, ce qui obsède le personnage du séducteur dans le journal du séducteur de Kierkegaard, c'est une seule femme. C'est une seule femme qu'il veut parvenir à conquérir, effectivement, mais pour laquelle, en réalité, le désir est en train de se spiritualiser à tel point que la consommation, il s'en moque éperdument. Non, c'est la chasse, c'est la séduction, justement, qui l'intéresse. C'est-à-dire le fait que le désir soit devenu totalement intériorisé, totalement réflexif. Il adore se regarder, le séducteur, contrairement à Don Giovanni. Don Giovanni se moque éperdument de la manière dont il est regardé. Il ne se regarde pas, il regarde tout autour de lui et il dévore du regard, et pas seulement du regard. Le séducteur, c'est quelqu'un qui s'observe lui-même en permanence et qui a fini par dévorer l'objet de son désir dans la pure réflexion. Oh, comme ce serait bien de la rencontrer, je vais faire ceci, je vais attirer son attention comme ceci, comme cela. Mais en fait, c'est la chasse qui est devenue Donc c'est lui-même. C'est lui-même qui l'aime, en fait. C'est lui-même qui l'aime, et en même temps, il aboutit au désespoir. Enfin, qu'il voudrait aimer, plutôt. Mais il s'est vidé par la pensée. Ce qui est caractéristique de Don Juan, c'est précisément, et c'est pour ça qu'il oppose Mozart à Molière. Oui, qu'est-ce que ça veut dire vraiment, cette opposition ? Don Juan n'est pas réflexif. Le Don Juan de Molière. Le Don Giovanni de Mozart n'est pas réflexif. C'est de la musique, c'est de la voix. C'est pas de la pensée. Ça n'est pas de la pensée. Lui, ce qu'il est, c'est du désir dévorant. Chez Molière, il est raisonneur. C'est un personnage, le grand seigneur méchant homme. C'est un personnage qui pense, qui se regarde lui-même, jeter l'anathème contre le ciel, provoquer. C'est quelqu'un qui pense. C'est quelqu'un de raisonneur. Dans Don Giovanni, c'est quelqu'un qui pense pas. Même le calcul, j'allais dire, pour circonvenir sa future proie, ce calcul est certes logistique, un peu stratégique, mais il est vraiment minimal. En fait, et c'est ça qui est choquant d'ailleurs dans l'opéra de Mozart, c'est pas du tout un séducteur élégant, c'est un violeur. Le départ, c'est le point de départ avec Donna Anna, c'est qu'il a cherché à la violer, tout simplement. Il a pas cherché à la séduire, il a cherché à s'en emparer par la force, brutalement. Et de ce point de vue-là, selon Kierkegaard, Mozart est beaucoup plus proche de l'essence de Don Juan que ne l'est Molière. C'est pour ça que Molière... Il est trop intellectuel chez Molière, en fait. Il est beaucoup trop intellectuel. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle Kierkegaard dit que Molière, la pièce de Molière, est complètement ratée. Pourquoi ? Parce que il a choisi un sujet qui est musical et il l'a transporté au théâtre. C'est-à-dire, il a fait de la voix, c'est-à-dire de la musique, un instrument destiné uniquement à témoigner de la pensée. C'est-à-dire, il a rendu la voix à son office, si je puis dire, ou il l'a réduite à son office d'information de la pensée. C'est-à-dire, en fait, il l'a désensualisé. On n'entend plus la voix, on entend ce qu'elle dit. Mais là, c'est un parti pris quasiment théorique qui distingue l'opéra du théâtre. Dire que l'opéra serait du côté de la vérité. Absolument, c'est pour ça. Et c'est du côté de la vérité de la sensualité. Après, le théâtre, le drame, comme dit Kierkegaard, a lui-même sa loi, sa grandeur et même, je vais dire, sa supériorité par rapport à la musique. Mais il ne faut pas se tromper de sujet. Le sujet absolu du théâtre, pour Kierkegaard, c'est Faust. Parce que là, c'est quelqu'un qui réfléchit. Là, c'est quelqu'un qui pense et qui est en rapport conflictuel avec la transcendance, puisqu'il noue un pacte avec le diable, mais par et dans l'exercice de la pensée. Don Juan, il s'en moque. Il se moque absolument de Dieu, de l'Église, etc. Mais il s'en moque comme en l'ignorant, tout simplement. En l'ignorant. Il suit son pur mouvement. Il est pure force brute. Alors, ce qui est étonnant, c'est que dans Ou bien, Kierkegaard, qui montre comment Don Giovanni, exprime, dit-il, mais révèle l'essence même du désir, eh bien, procède par une espèce de... Alors, pas de catalogue, mais de cheminement, à l'image du soi qui doit devenir lui-même, à travers les différents opéras de Mozart. Parce qu'il ne parle pas que de Don Juan, il évoque aussi les Noces de Figaro, comme qu'il qualifie de première étape érotique, et puis ensuite la Flûte enchantée, l'air de Papageno, qui serait la seconde étape avant d'arriver à Don Juan. Selon quoi établit-il cette hiérarchie ? Alors, elle est très contestable, évidemment, comme tout le reste. Hein. Moi, je ne dis pas que Kierkegaard a la parole de vérité sur Mozart. Je dis simplement que la manière dont il l'analyse est extrêmement féconde et très stimulante. Mais voilà, je ne sais pas s'il atteint quelque chose de la vérité de Mozart. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de cet ordre-là, d'ailleurs. Mais la manière dont il hiérarchise, ou du moins dont il rend successif les trois opéras, les Noces, la Flûte enchantée et Don Giovanni, tient, alors là, pour le coup, vraiment un développement philosophique, intrinsèquement philosophique. C'est-à-dire la manière dont... Mais il faudrait relire le concept d'angoisse, et on n'a pas le temps, et c'est pas l'objet ici, dont l'esprit émerge. C'est-à-dire la manière dont, de la pure sensualité, quelque chose comme du spirituel, et Don Giovanni, quelque chose comme du spirituel dans la chair, c'est l'esprit de la chair. Quelque chose émerge du désir à lui-même. C'est-à-dire que ce qu'il retient, par exemple, dans les Noces, donc le premier opéra, pour lui le premier opéra de Mozart, c'est l'air du page de Chérubin, qui découvre en lui-même l'attirance pour la comtesse, et j'allais dire les balbutiements, la première palpitation du désir. C'est cet être totalement asexué. Comme vous le savez, Chérubin, il est incarné, j'allais dire, à la scène par une femme, par une voix de femme. Et comme vous le savez, chez Beaumarchais, jusqu'à la mère coupable, on aura beaucoup joué. Il est androgyne, Chérubin. Il est justement avant la différenciation sexuelle. C'est-à-dire, il est à un niveau, mais vraiment le plus infime du début du désir. De l'initiation au désir. Bon. Et c'est là que, c'est pas la chute, si vous voulez, c'est pas une interprétation moralisatrice, mais c'est la manière dont le désir va progressivement se déterminer. Il va tomber. Chérubin, il papillonne, il est magnifique pour ça, c'est un personnage et c'est une voix qui est absolument sublime. Il papillonne, c'est-à-dire qu'il rêve, il est en état de rêve, dit Kierkegaard. Et c'est le désir qui est encore flottant, en état de rêve. Il dit le désir ne s'est pas encore éveillé, il est sobrement soupçonné, il parle de mélancolie profonde c'est aussi génial, à propos de ce personnage. C'est absolument. Et là, alors là, pour le coup, il dit quelque chose qu'on entend. C'est-à-dire cette espèce de découverte à la fois intriguée et mélancolique d'un désir flottant. De Chérubin, on passe à Papageno, on passe à la Flûte enchantée. Et ça, c'est très intéressant aussi. Juste deux secondes. Et le personnage de Papageno donne l'impression que là, pour le coup, on entre dans une intrigue. C'est un parcours initiatique. Hein. C'est comment on devient ce qu'on est. Et d'une certaine manière, c'est une espèce de parodie de l'initiation à l'existence. Bon, simplement, ce qui retient l'attention de Kierkegaard, pour pas être en contradiction avec ce qu'il dit du stade esthétique, c'est le caractère de choix qu'opère Papageno dans son prétendu rite, dans son parcours initiatique. C'est-à-dire le fait que dans ce stade esthétique, il y a un moment donné, tout au début, où ce désir flottant, rêveur, finit par se poser sur des objets, vraiment comme un papillon. Se poser sur des objets commence à être déterminé, détermine le contour d'un objet vers lequel il se pose et le désir devient moins indéterminé, justement. Il devient plus de l'ordre du choix. Et c'est la raison pour laquelle Don Giovanni représente la fin de cette logique-là, c'est-à-dire le moment où il y a la force brute du choix, c'est-à-dire, mais d'un choix totalement dispersé, avec une multiplicité d'objets qui correspond à l'objet dans toute son abstraction. Et chez Papageno, sur quoi se porte son désir ? Sur ce qu'il veut devenir, ou sur la femme aimée. C'est-à-dire, à chaque fois, quelque chose qui entraîne cette subjectivité informe vers quelque chose qui décide de lui-même. Voilà. À propos de cet air de Papageno qui regarde écrit, le désir s'éveille et ainsi qu'il arrive toujours, ce n'est qu'au moment où on s'éveille qu'on s'aperçoit qu'on a rêvé. Et ici, le rêve est fini. Ce réveil ou ce choc qui fait que le désir s'éveille sépare le désir de l'objet et donne au désir un objet. Le désir et l'objet forment un couple jumeau et aucun des deux n'arrive une fraction de seconde avant l'autre. Vogelfänger bin ich ja, stets lustig, heisa, hopsasa. Ich Vogelfänger bin bekannt, bei alt und jung im ganzen Land. Weiß mit dem Locken umzugehen und mich aufs Pfeife zu verstehen. Drum kann ich froh und lustig sein, denn alle Vögel sind ja mein. À propos de cet air, Kierkegaard écrit également, je dirais que cette partie de la pièce qui nous intéresse, je dirais qu'elle est gaiement gazouillante, exubérante de vie et bouillonnante d'amour. Ce qui est, alors, bien sûr, c'est presque le cliché, un des premiers clichés sur Mozart, c'est-à-dire la légèreté, cette espèce de joie de vivre, joie de vivre élégante. Ce qui frappe en bon romantique, j'allais dire, et Kierkegaard, c'est la mélancolie qu'il y a derrière, toujours. Hein, et qui est d'ailleurs pas une grande découverte en ce qui concerne Mozart. Ça paraît assez évident. C'est à la fois la sensibilité. Ce qui est frappant, c'est que Kierkegaard n'abonde pas dans l'idée que Mozart, c'est le divin Mozart. C'est-à-dire, c'est la musique du ciel. Qui est un autre cliché, cliché très... tenace. J'allais dire, à la limite, très justifié. Hein. Il y a une musique céleste chez Mozart, c'est incontestable. Mais c'est pas ça, justement, que retient Kierkegaard. C'est précisément ce qui nous éloigne du ciel. Alors, c'est peut-être dû à des préjugés religieux, anti-musicaux de la part de Kierkegaard, ou plus précisément, un rapport compliqué, justement, à la musique comme vecteur de la croyance ou de la transcendance. Mais en tout cas, c'est pas du tout ça qui retient chez Mozart, c'est le contraire. C'est pour ça qu'il s'intéresse à Don Giovanni. C'est parce que, précisément, lui, c'est pas la musique sacrée qui l'intéresse. La musique, elle est pas sacrée, justement. La musique, et la musique de Mozart, c'est la musique de toute la musique. C'est, au contraire, le sensualisme. C'est le désir, c'est le sensuel, c'est la chair. Mais, ce qui est, et là c'est frappant dans l'ère de Papageno, ou plus précisément la manière dont il, à partir des noces, il vient à Papageno et il vient écouter ce qu'il va écouter aussi dans Giovanni, c'est-à-dire l'angoisse sous-jacente à cette explosion de vitalité et à cette légèreté du sentiment et du désir. Le texte très bref que vous avez lu juste avant l'air de Papageno est très important parce que en fait il mime le désir qui trouve sépare le désir de l'objet et donne au désir un objet. Ouais, et ben c'est exactement la description que le concept d'angoisse donne de la chute, c'est-à-dire le moment de la perte de l'innocence et le moment de la faute. En fait. Et il y a une espèce de parallèle ou d'analogue entre les deux. C'est-à-dire que c'est le concept d'angoisse. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'angoisse ? C'est l'esprit qui se rêve lui-même. C'est-à-dire qui s'anticipe lui-même, dans la chute. C'est-à-dire le fait qu'il y a quelque chose de flottant, conçu comme un, oui, comme un rêve, un peu indéterminé, et qui entraîne la chute. Et ce qui est caractéristique ici de l'angoisse mozartienne, parce que c'est ça que retient Kierkegaard, hein, de l'angoisse mozartienne, c'est ce que pressent le désir sensuel du manque et de ce que, j'allais dire, de ce qu'il représente quand même un état de créature, justement. C'est une vision, j'allais dire, religieuse, là, en l'occurrence, du Don Giovanni de Mozart, qui s'anticipe dans Papageno, c'est-à-dire aussi quelque chose qui fait que, certes, il ne s'agit pas de condamner, et nulle part vous trouverez ça sous la plume de Kierkegaard dans son analyse de Don Giovanni, c'est-à-dire dire, regardez, c'est un méchant homme, il nous scandalise, etc. Et que c'est l'expression du démoniaque, quand même. C'est l'expression du démoniaque, mais démoniaque n'est pas un terme... Déterminé en tant que sensualité. Ouais, mais n'est pas du tout, j'allais dire, le terme d'un jugement de valeur qui viserait à condamner Don Juan. Don Juan, il n'y peut rien. Il est tout simplement l'expression du démoniaque. Alors justement, l'expression du démoniaque qui s'angoisse, mélancolique, etc., c'est le paroxysme de cet état-là se trouve à la fin de Don Giovanni, quand le commandeur vient rendre visite à Don Giovanni. Comment Kierkegaard analyse ce moment qui paraît là bien loin de toute forme de sensualité, alors, de jouissance? C'est très étonnant parce que, conformément à ce que je vous disais tout au début, selon le principe selon lequel, en fait, il n'y a pas d'intrigue dans le Don Giovanni, ce qui est discutable, hein, ouais. Mais que l'intrigue, en fait, n'intéresse ni Mozart, ni d'Aponte, ni même d'Aponte. C'est-à-dire qui écrit le livret, quand même. Le librettiste. Et qu'en réalité, ils ne peuvent pas, parce que justement, l'idée est musicale. Donc, l'idée ne peut pas se rendre dans un récit, dans de l'écriture, dans de la littérature. Le génie de d'Aponte, de ce point de vue-là, c'est d'avoir sacrifié la littérature à la musique. C'est-à-dire d'écrire pour être écouté, pas d'écrire pour être lu. Bon. Et du coup, il peut pas y avoir de véritable intrigue dramatique parce que, encore une fois, cette vie est informe, cette vie est un pur flux. Du coup, il est obligé, Kierkegaard, par son propre système d'interprétation, il est obligé d'être en délicatesse justement avec les moments forts de l'intrigue, et notamment le commandeur et le fait qu'il y a une chute dans tous les sens du terme d'ailleurs, ouais. Le fait qu'il y a une condamnation de Don Juan. Il s'en sort simplement en disant que cet épisode-là est purement extérieur. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que contrairement à ce qui se passe dans le Don Juan de Molière, justement, qui est polarisé par cette figure fascinante de la vengeance divine, ou même plus d'ailleurs, quasiment mythique, pour Kierkegaard, l'interruption que va provoquer le commandeur dans la vie de Don Juan, qui va le précipiter dans les flammes, cette interruption est finalement accessoire. Parce qu'en réalité, Don Giovanni dit autre chose. Il dit tout de l'angoisse et du désir. Et ça, c'est indéfini. Donc, d'une certaine manière, la manière dont Kierkegaard interprète le Don Giovanni, c'est une histoire qui ne peut pas se terminer. Qui ne peut pas se terminer. Donc, c'est en fait, Kierkegaard réécrit le Don Giovanni quand même, parce que s'il estime que c'est annexe, secondaire, et qu'il n'y a pas vraiment de fin, alors il occulte toutes les trois dernières c'est-à-dire parties. C'est-à-dire, c'est le prix à payer pour, j'allais dire, l'identification du sujet purement musical. Il y a une espèce d'incompatibilité entre une structure dramatique qui veut un début et une fin, et un pur, il parle de médium, c'est ça qui est intéressant, un pur élément musical, élément au sens de vraiment de milieu, je sais pas, aquatique, environnemental, ça baigne dans la musique. Et je dis pas que c'est le sentiment océanique chez Wagner, hein, on en est loin. Mais la musique est quelque chose dans lequel on est. Qui est quelque chose comme une espèce d'environnement généralisé du désir. Or ça, c'est parfaitement indéfini. Et justement, ce qui intéresse Kierkegaard, c'est le caractère, j'allais dire, superficiel et artificiel de la fin de Don Giovanni. C'est-à-dire, en fait, ce deus ex machina. Parce que le commandeur surgit de nulle part. On ne sait pas si c'est son père. Alors il rassure tout le monde parce que effectivement, bon, c'est le retour de l'ordre dans le désordre cosmique qu'introduit Don Giovanni. Mais en même temps, ça ne trompe personne. D'ailleurs, il n'y a rien de plus ennuyeux que le final, une fois que Don Giovanni a cette espèce d'harmonie, donna, Don Tavio, tout le monde se réconcilie, youpi, ça y est, c'est formidable. Mais alors, bon, c'est plus subtil que ça, Mozart. Hein, et je dis pas que Kierkegaard comprend ce que dit Mozart, parce qu'il méprise ce final. Je suis pas sûr qu'il soit si méprisable que ça. Mais ce qui est important, c'est que Kierkegaard veut conserver l'idée d'une musique indéfinie. Et ça, c'est très intriguant. C'est-à-dire, vous êtes dans l'élément musical, il va falloir sauter au-dessus si vous voulez vous en sortir. Pas avoir un semblant d'intrigue à l'intérieur, il faut quelque chose d'autre. Bon, nous, on va continuer à baigner dans le musical. Hein. C'est le volontiers. But ce matin, on verra si on peut sauter vers ailleurs ensuite. Non pas le final de Don Giovanni, mais l'avant-dernière scène. N'en déplaise à Kierkegaard, qui est quand même un moment musical extraordinaire. Dernier mot, Vincent Delecroix, si vous osez prendre la parole sur le commandeur. Oui, c'est très difficile, simplement pour dire que cet air-là, qui est absolument magnifique, est un air qui est anticipé par l'ouverture. Autrement dit, il y a bien une péripétie, mais ça revient au début. C'est-à-dire, tout est déjà anticipé par le mouvement musical de l'ouverture. C'est bien ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est répétitif. Merci, merci Vincent Delecroix d'être venu en parler aujourd'hui. Vos livres sur Kierkegaard et sur la musique seront mis en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Mais voilà comment passer au stade ultérieur, Vincent Delecroix. On se demandait, là, on baigne dans la musique, on reste dans la musicalité, l'expression du désir, et comment passer au stade éthique? La réponse est trouvée, c'est le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. En fait, je crains que vous ne restiez dans le stade esthétique avec votre sujet, vous nous parlez de la charogne. Exactement, accrochez-vous, c'est lundi, il n'est pas encore 11h, mais on commence bien avec une esthétique de la charogne, livre de Hicham Stéphane Afessa, paru aux Très Esthétiques éditions du Dehors. Et on commence aussi avec le poème de Baudelaire, chanté par Léo Ferré. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux. Au détour d'un sentier, une charogne infâme sur un lit semé de cailloux. Les jambes en l'air, comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Le soleil rayonnait sur cette pourriture, viscères, sang, moisissures et excréments. D'où vient notre attirance pour le lait? Qu'est-ce que la laideur et que nous fait-elle? C'était les questions vraiment stimulantes posées par un ouvrage collectif l'année passée. Et aujourd'hui, avec ce livre de Hicham Stéphane Afessa, la question est sensiblement différente. Il ne s'agit pas de parler de la laideur précisément, ni de son essence, ni de ses effets par rapport à la beauté, mais de partir de la charogne pour repenser, eh bien, carrément tout un pan de la philosophie, l'esthétique. On pourrait dire en fait que ce livre reprend la réflexion sur le lait là où elle avait été laissée, car en embrassant toutes les représentations de la charogne, de l'art médiéval à Baudelaire, de Fragonard au bioart actuel, il va plus loin qu'une définition du lait pour proposer une contribution générale sur l'expérience esthétique comme expérience cognitive, c'est-à-dire de savoir et de connaissance. Étonnant, mais oui, quand on regarde une œuvre, il se jouerait plus qu'une affaire de beauté, d'art ou de plaisir, il y aurait tout un processus de connaissance en jeu. Et c'est ça qui est étonnant, c'est le spectacle de la charogne qui pourrait nous le révéler. La décomposition. Rien ni personne n'y échappe. Nous ne voulons pas de la pourriture dans notre quotidien. Mais imaginons exceptionnellement que nous lui ouvrions la porte. Que se passerait-il si nous la laissions se répandre dans nos foyers? Pour le savoir, nous avons fabriqué cette maison à l'intérieur d'une boîte. Dans la cuisine et le jardin, on trouve toute la nourriture d'une famille qui s'apprêterait à festoyer. À présent, nous allons tout laisser pourrir. Tout part dans cette esthétique de la charogne d'un documentaire de la BBC dont le titre français « L'art de la décomposition » laisse entendre que le processus de pourrissement serait plus qu'une simple expérimentation scientifique. Mais alors, en quoi la décomposition serait-elle de l'art? Où est la création dans ce processus naturel? Et puis, par quelle opération? Pour citer Hicham Stéphane Afessa dans son introduction, « Tout ce qui grouille, fourmille, se désagrège, adhère, s'agglutine, pullule, ondoie, tout ce qui est voué autrement dit à inspirer du dégoût pourrait-il présenter le moindre attrait esthétique ? Et bien pour y répondre, ce livre trace toute une histoire de l'art de la charogne, de la mort sèche des momies, au goût du moisi contemporain, en passant par l'art macabre et l'anatomie artistique, et explore en son cœur le texte clé d'Aristote dans la poétique, c'est-à-dire le plaisir cathartique qu'il y a à contempler le spectacle du pire. Il est des trépassés de diverses natures. Aux uns, la puanteur avec la pourriture, le palpable néant, l'horreur et le dégoût, l'ombre profonde et noire, et le cercueil avide entr'ouvrant sa mâchoire comme un monstre béant. Aux autres que l'on voit, sans qu'on s'en épouvante, passer et repasser dans la cité vivante, sous leur linceul de chair, l'invisible néant, la mort intérieure, que personne ne sait, que personne ne pleure, même votre plus cher. En quoi montrer le pire, c'est-à-dire la mort sous toutes ses formes, serait-il esthétique et pourrait-il donc contribuer à une théorie générale de l'expérience esthétique? Faut-il y voir un goût pervers de l'homme pour le dégoût? Pourquoi pas? Une tentative d'embellissement du lait? Ou, troisième hypothèse, la possibilité de voir le pire tel qu'il est vraiment, exactement, en réalité? C'est cette troisième voie qui remporte ici la mise, plus qu'une transfiguration artistique du répugnant, de l'immonde, de l'abject, plus qu'une conversion du lait en beau et du dégoût en goût. Il y aurait dans cette décomposition, le spectacle de la vie telle qu'elle, qui se transforme par elle-même. Il y aurait sous nos yeux l'enseignement des mécanismes de la nature capables de nous étonner, de nous émouvoir, de nous toucher, et l'enseignement que l'esthétique, naturelle ou humaine d'ailleurs, ne saurait se passer de quelques savoirs scientifiques pour être d'autant plus appréciée. Merci Géraldine. Alors le paradoxe, c'est que ce livre sur l'esthétique de la charogne est très très beau. Il est magnifique, il est tout brillant. Oui, il y a plein d'illustrations. Ouais, il est vraiment magnifique à lire. Donc c'est un livre de Hicham Stéphane Afessa, c'est paru aux éditions du Dehors, Une esthétique de la charogne. Merci beaucoup, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à Colomba Grossi qui a préparé cette émission avec Géraldine Mosna-Savoie, Isis Jourda, Mathieu Tarpin, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui réalise cette semaine, Jean-Guilain Meige à la prise de son aujourd'hui, Shems Oda à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur Mozart, philosopher avec Mozart. Et bien demain, nous serons en compagnie du compositeur et pianiste et philosophe Carole Beffa qui viendra vous parler du génie de l'improvisation car il tient Mozart pour un des plus grands improvisateurs. Et il sera au piano afin d'analyser certaines sonates qu'il vous proposera. Ça, c'est demain à 10h donc. Mais d'ici là, pour réécouter cette émission sur Kierkegaard et Don Giovanni par Vincent Delecroix, c'est très simple, vous vous rendez sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie, vous pouvez réécouter cette émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux Facebook, Twitter, Instagram, où nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain à 10h donc. Nous, on sera là, vous, d'ici là. Restez à l'écoute sur France Culture.